Chapitre deuxième. Il réfléchit une minute, tout en s'efforçant de dominer son angoisse, et se dit qu'après tout, comme Madame Castlebar ne semblait courir aucun danger immédiat, il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Mais une rage soudaine le secoua, et il se précipita sur les bandits, distribua quelques coups de botte aux blessés qui s'agitaient, chercha et reprit ses billets de banque, puis bâillonna des bouches, lia des mains avec tout ce qu'il trouva, cordons de rideau, embrasses, couvertures et draps réduits en bandelettes, et finalement aligna sur le tapis, devant le canapé, 7 paquets humains, serrés les uns contre les autres et ficelés comme des colis. « Brochette de momie sur canapé, » ricana-t-il. « Mais succulent pour un amateur. T'as d'idiot. Comment avez-vous fait votre compte? Vous voilà comme des noyés à la morgue. Mais aussi on s'attaque à Lupin, défenseur de la veuve et de l'orphelin. » Vous tremblez? Faut pas, les agneaux. Lupin n'a jamais fait de mal à une mouche. Seulement, Lupin est un honnête homme qui n'aime pas la fripouille, et Lupin connaît ses devoirs. Voyons, est-ce qu'on peut vivre avec des chenapans comme vous? Alors quoi? Plus de respect pour la vie du prochain? Plus de respect pour le bien d'autrui? Plus de loi? Plus de société? Plus de conscience? Plus rien? Où allons-nous, Seigneur? Où allons-nous? Sans même prendre la peine de les enfermer, il sortit de la chambre, gagna la rue et marcha jusqu'à ce qu'il rejoint son taxi auto. Il envoya le chauffeur à la recherche d'une autre automobile et ramena les deux voitures devant la maison de Madame Castlebar. Un bon pourboire, donné d'avance, évita les explications oiseuses. Avec l'aide des deux hommes, il descendit les 7 prisonniers et les installa dans les voitures, pêle-mêle, sur les genoux les uns des autres. Les blessés criaient, gémissaient. Il ferma les portes. « Gare les mains !» dit-il. Il monta sur le siège de la première voiture. « En route !»« Où va-t-on » demanda le chauffeur. « 36, quai des Orfèvres, à la sûreté. » Les moteurs ronflèrent un bruit de déclenchement, et l'étrange cortège se mit à dévaler par les pentes du Trocadéro. Dans les rues, on dépassa quelques charrettes de légumes. Des hommes, armés de perches, éteignaient des réverbères. Il y avait des étoiles au ciel. Une brise fraîche flottait dans l'espace. Lupin chantait. La place de la Concorde, le Louvre, au loin, la masse noire de Notre-Dame. Il se retourna et entr'ouvrit la portière. « Ça va bien, les camarades ? » ?»« Moi aussi, merci. La nuit est délicieuse et on respire un air. » On sauta sur les pavés plus inégaux des quais, et aussitôt, ce fut le palais de justice et la porte de la sûreté. « Restez là !» dit Lupin aux deux chauffeurs, « et surtout, soignez bien vos 7 clients. » Il franchit la première cour et suivit le couloir de droite qui aboutissait aux locaux du service central. Des inspecteurs s'y trouvaient en permanence. « Du gibier, messieurs, » dit-il en entrant, « et du gros. Monsieur Weber est là. Je suis le nouveau commissaire de police d'Auteuil. Monsieur Weber est dans son appartement. Faut-il le prévenir ? Une seconde. Je suis pressé. Je vais lui laisser un mot. » Il s'assit devant une table et écrivit « Mon cher Weber, je t'amène les 7 bandits qui composaient la bande d'Altenheim, ceux qui ont tué Gourel et bien d'autres, qui m'ont tué également sous le nom de Monsieur Lenormand. Il ne reste plus que leur chef. Je vais procéder à son arrestation immédiate. Viens me rejoindre. Il habite à Neuilly, rue Delaisement, et se fait appeler Léon Massier. » Cordiale salutation, Arsène Lupin, chef de la sûreté. Il cacheta. « Voici pour M. Weber. C'est urgent. Maintenant, il me faut 7 hommes pour prendre en livraison de la marchandise. Je l'ai laissé sur le quai. » Devant les autos, il fut rejoint par un inspecteur principal. « Ah, c'est vous, M. Leboeuf, » lui dit-il. « J'ai fait un beau coup de filet. Toute la bande d'Altenheim, ils sont là, dans les autos. Où donc les avez-vous pris ? En train d'enlever Mme Castlebar et de piller sa maison. Mais j'expliquerai tout cela en temps opportun. » L'inspecteur principal le prit à part, et d'un air étonné. « Mais, pardon, on est venu me chercher de la part du commissaire d'Auteuil, et il ne me semble pas... À qui ai-je l'honneur de parler ?»« À la personne qui vous fait le joli cadeau de cet apache de la plus belle qualité. »« Encore voudrais-je savoir mon nom ?»« Oui, Arsène Lupin. » Il donna vivement un croc en jambe à son interlocuteur, courut jusqu'à la rue de Rivoli, sauta dans une automobile qui passait et se fit conduire à la porte des ternes. Les immeubles de la route de la révolte étaient proches, et il se dirigea vers le numéro 3. Malgré tout son sang-froid et l'empire qu'il avait sur lui-même, Arsène Lupin ne parvenait pas à dominer l'émotion qui l'envahissait. Retrouverait-il Dolores Kesselbach? Louis de Malrache avait-il ramené la jeune femme, soit chez lui, soit dans la remise du brocanteur? Lupin avait pris au brocanteur la clé de cette remise, de sorte qu'il lui fut facile, après avoir sonné et après avoir traversé toutes les cours, d'ouvrir la porte et de pénétrer dans le magasin de bric-à-brac. Il alluma sa lanterne et s'orienta. Un peu à droite, il y avait l'espace libre où il avait vu les complices tenir un dernier conciliabule. Sur le canapé, désigné par le brocanteur, il aperçut une forme noire. Enveloppée de couverture, bâillonnée, Dolores gisait là. Il la secourut. « Ah, vous voilà !» balbutia-t-elle. « Ils ne vous ont rien fait. » Et aussitôt, se dressant et montrant le fond du magasin, « Là, il est parti de ce côté. J'ai entendu, je suis sûr. Il faut aller, je vous en prie. » « Vous d'abord, » dit-il. « Non, lui, frappez-le, je vous en prie, frappez-le. » La peur, cette fois, au lieu de l'abattre, semblait lui donner des forces inusitées, et elle répéta, dans un immense désir de livrer l'effroyable ennemi qui la torturait, « Lui d'abord, je ne peux plus vivre. Il faut que vous me sauviez de lui. Il le faut, je ne peux plus vivre. » Il la délia, l'étendit soigneusement sur le canapé, et lui dit, « Vous avez raison. » D'ailleurs ici, vous n'avez rien à craindre. Attendez-moi, je reviens. » Comme il s'éloignait, elle saisit sa main vivement. « Mais vous ? Eh bien, si cet homme ?» On eût dit qu'elle appréhendait pour Lupin ce combat suprême auquel elle l'exposait, et que, au dernier moment, elle eût été heureuse de le retenir. Il murmura. « Merci, soyez tranquille. Qu'ai-je à redouter ? Il est seul. » Et la laissant, il se dirigea vers le fond. Comme il s'y attendait, il découvrit une échelle dressée contre le mur et qui le conduisit au niveau de la petite lucarne grâce à laquelle il avait assisté à la réunion des bandits. C'était le chemin que Malrèche avait pris pour rejoindre sa maison de la rue Delaizement. Il refit ce chemin, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt, passa dans l'autre remise et descendit dans le jardin. Il se trouvait derrière le pavillon même occupé par Malrèche. Chose étrange, il ne douta pas une seconde que Malrèche ne fût là. Inévitablement, il allait le rencontrer, et le duel formidable qu'ils soutenaient l'un contre l'autre touchait à sa fin. Quelques minutes encore, et tout serait terminé. Il fut confondu. Ayant saisi la poignée d'une porte, cette poignée tourna et la porte céda sous son effort. Le pavillon n'était même pas fermé. Il traversa une cuisine, un vestibule, monta un escalier, et il avançait délibérément sans chercher à étouffer le bruit de ses pas. Sur le palier, il s'arrêta. La sueur coulait de son front et ses tempes battaient sous l'afflux du sang. Pourtant, il restait calme, maître de lui, et conscient de ses moindres pensées. Il déposa sur une marche ses deux revolvers. « Pas d'armes, se dit-il, mes mains seules. Rien que l'effort de mes deux mains, ça suffit, ça vaut mieux. » En face de lui, trois portes. Il choisit celle du milieu et fit jouer la serrure. Aucun obstacle. Il entra. Il n'y avait point de lumière dans la chambre, mais par la fenêtre grande ouverte pénétrait la clarté de la nuit et dans l'ombre il apercevait les draps et les rideaux blancs du lit. Là, quelqu'un se dressait. Brutalement sur cette silhouette, il lança le jet de sa lanterne. Malrèche. Le visage blême de Malrèche, ses yeux sombres, ses pommettes de cadavre, son cou décharné. Et tout cela était immobile, à cinq pas de lui. Elle n'aurait su dire si ce visage inerte, si ce visage de mort exprimait la moindre terreur ou même seulement un peu d'inquiétude. Lupin fit un pas, un deuxième, un troisième. L'homme ne bougeait point. Voyait-il? Comprenait-il? On eût dit que ses yeux regardaient dans le vide et qu'il se croyait obsédé par une hallucination plutôt que frappé par une image réelle. Encore un pas. « Il va se défendre, » pensa Lupin. « Il faut qu'il se défende. » Et Lupin avança le bras vers lui. L'homme ne fit pas un geste. Il ne recula point. Ses paupières ne battirent pas. Le contact eut lieu. et ce fut Lupin qui, bouleversé, épouvanté, perdit la tête. Il renversa l'homme, le coucha sur son lit, le roula dans ses draps, le sangla dans ses couvertures et le tint sous son genou comme une proie sans que l'homme eût tenté le moindre geste de résistance. « Ah ! » clama Lupin, ivre de joie et de haine assouvie, « je t'ai enfin écrasé, bête odieuse, je suis le maître, enfin !» Il entendit du bruit dehors, dans la rue de l'Aisement, des coups que l'on frappait contre la grille. Il se précipita vers la fenêtre et cria « C'est toi, Véba ? Déjà ? À la bonne heure. Tu es un serviteur modèle. Force la grille, mon bonhomme, et accours, tu seras le bienvenu. » En quelques minutes, il fouilla les vêtements de son prisonnier, s'empara de son portefeuille, rafla les papiers qu'il put trouver dans les tiroirs du bureau et du secrétaire, les jeta tous sur la table et les examina. Il eut un cri de joie. Le paquet de lettres était là, le paquet des fameuses lettres qu'il avait promis de rendre à l'empereur. Il remit les papiers à leur place et courut à la fenêtre. « Voilà qui est fait, Véba. Tu peux entrer. Tu trouveras l'assassin de Kesselbar dans son lit. Tout préparé, tout ficelé. Adieu, Véba. » Et Lupin, dégringolant rapidement l'escalier, courut jusqu'à la remise, et tandis que Weber s'introduisait dans la maison, il rejoignit Dolores Kesselbar. À lui seul, il avait arrêté les 7 compagnons d'Altenheim, et il avait livré à la justice le chef mystérieux de la bande, le monstre infâme, Louis de Malreich.